Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission qui vous attend. On va vous parler jeux, on va vous parler concours également, et tout ça avec votre animateur, M. Mickaël Michaud, toujours content d'être là, et aussi en compagnie de notre metteur en onde, chroniqueur et héros officiel de Puissance Maximale, M. Andrew Castegan. Bonjour, M. Michaud. Ça va bien? Oui, je suis en train de tout briser la playlist de CGMD parce que j'ai rajouté une toune à l'entrée 162. Bravo. Félicitations. Évidemment, tu auras une médaille pour te remercier de tes fidèles, fidèle service. Je pensais que tu allais dire que j'allais recevoir une médaille pour me remercier de mes services. C'est un 4% par la poste. Si on était payé, tu aurais sûrement reçu un 4%. Mais non, Andrew, on sait bien, tu n'as pas fait exprès. Tu vas arranger ça. C'est déjà arrangé. Bon, tu vois. Maintenant, tu as toute mon attention. Et voilà. Et là, M. Castegan, cette semaine, on va parler principalement de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties la semaine dernière et cette semaine dans le magnifique monde ludique et geek. Mais on va aussi tout de suite, là, sans attendre, parler de concours. Attends un peu. Tellement pas de timing, là. Ben là, je savais pas que t'allais commencer par ça, moi. Ben, voyons donc, t'étais tout au courant de ça. Fait que là, t'en parles là. Parlons concours. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la musique des concours à puissance maximale. Et là, on vous offre quelque chose d'intéressant tout l'été, en fait. À partir du 28 mai, on a Mme Véronique Thibault, alias Pink Vivi, qui est une amie de Puissance Maximale, une fan, une auditrice, qui nous propose, c'est une artiste, en fait, qu'on peut rencontrer à peu près dans toutes les conventions où vous allez, là, Comic-Con, Nadeshcon, G-Anime, Otakuton, elle est partout, Geekfest aussi, elle va être là, à Québec, et elle est partout. Et si vous voulez avoir des beaux produits reliés aux univers geeks et principalement jeux vidéo, mais vous pouvez avoir plein d'affaires avec Véronique, des signets, voilà, des verres, des vêtements. D'ailleurs, je vais lui demander un petit kit. Je pense que je vais y acheter un petit kit de débarbouillettes la prochaine fois pour mon prochain appartement. Des débarbouillettes creeper. Ouais, des débarbouillettes creeper ou des trucs. Parce qu'ils sont vraiment nice. Ouais, c'est vrai. Ben, ils ont deux teintes de verre. Tu t'en rends compte? Vous n'avez pas juste un teinte de verre. Vous en avez deux. C'est une aubaine. C'est en plein ça. Et ils avaient même un petit peu de noir. Et là, elle a fait plein de trucs, dont des stickers et des signets. Et là, Véronique nous a proposé d'offrir aux auditeurs de Puissance Maximale de gagner finalement des petits goodies comme ça, donc signets, des trucs genre que vous receviez vous allez recevoir par la poste via Véronique. Ça va commencer le 28 mai prochain. On risque de fonctionner via Facebook comme on fait d'habitude, via la page Facebook de Puissance Maximale. Donc bien évidemment, c'est très important d'aller aimer la page Facebook. Et on va commencer dès aujourd'hui avec... Tu sais, c'est pas pire, hein? On parle du 28 mai. Ouais. On commence aujourd'hui. Imaginez. Parce que Puissance Maximale... On est généreux. On est généreux. Et on va à l'avant-garde. Non, non, c'est ça. Donc, en fait, c'est parce que Véronique nous avait fourni des petits sacs. Puis là, je me demandais, des petits sacs de goodies comme ça. Puis je me demandais quel serait le meilleur moment, finalement, pour commencer ce concours-là. Ben, on va y aller tout de suite, vu que Véronique nous prépare des trucs pour l'été à partir du 28 mai. Donc, voilà, on vous... dès ce soir, puis même en fait toute la semaine, à peu près jusqu'à mardi, comme on fait pour tous les concours, vous avez jusqu'à mardi prochain pour via la page Puissance Maximale sur Facebook de nous envoyer un petit message privé. Non, non, tu vas faire un post. Qu'il va falloir partager, bien évidemment. Avec un lien vers la page Facebook et Deviant Art de Pink Vivi. Ouais. Va falloir aimer et partager. Voilà, les deux. Les deux, c'est bien important. C'est ça, le message avec contenant l'image, contenant les adresses DeviantArt et aussi Facebook de Pink Vivi et aussi la page de Puissance Maximale avec une petite question comme ça que je vais vous concocter. Ça va sortir dès ce soir sur Facebook et un rappel demain, toute la semaine jusqu'à mardi prochain que vous... Anoui, t'as du temps pour gérer ça à cette heure. Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle aux gens que si vous avez des offres d'emploi à m'offrir, vous pouvez me contacter via la page de Puissance Maximale. Je pourrais regarder ça là, à temps perdu. Donc voilà, mesdames et messieurs, les concours qui s'en viennent pour vous, chers auditeurs et auditrices de Puissance Maximale, donc de la part de toute l'équipe de Puissance Maximale. Bien, merci beaucoup, Véronique, de nous offrir ça et d'offrir ça à nos auditeurs et auditrices. Donc, c'est ça qui s'en vient pour l'été à Puissance Maximale, entre autres. Là, on parle de concours, mais il y a plein d'autres choses. Parce que nous autres, comme à notre bonne vieille habitude, on prend pas de vacances pendant l'été. On prend jamais de vacances à Puissance Maximale. Fidèle au poste. À l'occasion, on prend des petites journées de congé comme ça. Ça arrive. Oui, mais souvent, c'est pas parce qu'on est fatigué et qu'on veut prendre un congé, c'est plus parce qu'on a rencontre de bureau ou autre. Ça peut arriver. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'en vient. Et sinon, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Il faut y aller pour écouter toutes nos anciennes émissions, les podcasts et entrevues. J'ai travaillé si fort dans ce site. En plus, là, c'est pour supporter M. Castegan. Mais en plus, là, l'émission de la semaine passée est en ligne. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a goûté, parce que c'était la chronique bière et jeux la semaine passée avec M. Éric Lajeunesse, on a goûté une très bonne bière et un cidre, ma foi, des plus étonnants. Oui, donc, effectivement, je me rappelle plus du nom, mais j'arrête pas de dire à du monde, j'ai goûté du cidre, là, il était écœurant. Le nom, il est comme long un peu, mais tout simplement, mesdames et messieurs, www.puissancemaximale.com, allez écouter l'émission qui s'appelle... Et allez chez Dépanneur Tout Près. Oui, ben c'est ça, on vous rappelle que cette chronique vous est présentée par le Dépanneur Tout Près à Lévis, rue Wolf, pour vos choix en bière de microbrasserie et jujube. Oui, parce qu'il y a des jujubes. Parce qu'il y a un beau comptoir de bonbons. Donc, si vous êtes amateur, allez-y. En même temps, prenez-vous une excellente bière. Et des jujubes. Vie de château du Grimoire, toujours une belle suggestion. Et des jujubes, bien évidemment. Et, mesdames et messieurs, comme à notre habitude, on va commencer notre émission par de la musique. Et je vous avertis, cette semaine, c'est très... Ça va bardasser un peu. Là. C'est très rock, c'est très métal cette semaine. Il y a toujours une ou deux tonnes de métal pendant l'émission parce que moi, Yandro, on est des gros amateurs de métal. Mais là, cette semaine, c'est particulier. Et en plus, on va vous mettre une toune aussi de Z et ses disciples un peu plus tard dans l'émission qu'on vous a promis. Notre toune. La toune de Puissance Maximale. Mais avant ça, on s'en va dans un classique revisité. Le thème du jeu, slash le film, là, de Mortal Kombat par M. Eric Calderon. Donc, ça s'appelle Mortal Kombat meets Metal. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Choose your destiny. We'll be right back. E-Rock wins. Shredality. Nous sommes les Chicken Swellies, vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Et oui, de retour à puissance maximale après Mortal Kombat meets Metal. Et vous venez d'entendre les malheureusement défunts Chicken Swell que Andrew avait interviewé l'année passée. Je les ai mis parce que c'est la fête à Francis. Ah bon, ben c'est la fête à Francis des Chicken Swell aujourd'hui, donc bonne fête Francis. Et mesdames et messieurs, comme à notre habitude, là, cette semaine, on ne vous l'a pas dit tantôt, mais on va principalement parler de nouvelles ludiques. Et comme le veut la tradition maintenant, M. Castagan va commencer avec sa chronique « Saviez-vous que? » Ben, saviez-vous que Final Fantasy IX aurait subi... Ben, en fait, la fin du jeu Final Fantasy IX aurait subi un changement d'engin graphique pour un total de 7 fois. Quoi? 7 fois pendant la conception du jeu? Ouais. Ça doit être le fun, ça, pour les programmeurs? Non. C'est ça. Ça, c'est une petite quick, là. J'en ai une autre aussi. Ah, vas-y, donc. Saviez-vous que Battlefield 4, des jeux quand même assez récents, ouais, est présentement banni en Chine? Pourquoi ça m'étonne pas? Parce qu'il y a un DLC qui s'appelle China Rising. OK. Qui est, dans le fond, pour le solo, qui dit, dans le fond, ça serait la Chine qui prend le, qui envahirait les États-Unis en 2020. Et la Chine dit que c'est une menace à la sécurité nationale parce qu'ils disent que c'est une menace culturelle. C'est de la propagande. Propagande capitaliste américaine. Voilà, tout simplement. Ah ouais? Bon, ben, ça m'étonne pas trop, là. Mais tu sais, de toute façon, autant au niveau de la censure ou au niveau graphique que de la censure de contenu, tu sais, il y a beaucoup de pays. On nommera. En tout cas, ce genre de pays-là, au niveau politique, on n'est pas trop étonné, mais l'Australie, on en parle souvent en émission, est assez prude, on va le dire, là. Souvent, il y a des jeux qui peuvent être carrément bannis, puis des fois, c'est pas des jeux si violents que ça. Puis aussi, le fait qu'en Australie, les jeux coûtent beaucoup plus cher qu'ici. Donc, nous, on envoie de l'amour tout plein à nos amis geeks australiens qui doivent vivre avec ça au jour le jour. Et les jeux coûtent très cher. Ben, c'est ça. Ça coûte... En plus. Déjà que moi, je trouve qu'ici, ils coûtent cher. Imagine là-bas. Alors, c'est quasiment des fois le double du prix, des fois même plus. Donc, c'est à surveiller. Faites attention, là, vous allez en Australie, là, pour... Achetez pas les jeux. Achetez pas les jeux, voilà. Encouragez pas l'Australie. Non, quand même, il faut aller en Australie, c'est un super beau pays. Achetez l'affaire là, de Kraft, là, la tartinade noire là, qui goûte de la merde. Là, c'est... Quoi? Une tartinade qu'il y a juste en Australie, là. Faut que je me rappelle c'est quoi. Tu feras une petite recherche pendant la pause de la première heure, Andrew, puis tu me sortiras quelque chose de cohérent par rapport à ça. C'est vrai? Non, mais je dis pas que c'est pas vrai, c'est juste que... En quoi ça a rapport avec ce qu'on vient de parler? Ben, il y en a juste là-bas, fait que si vous voulez encourager l'Australie. Ah ouais, achetez ça. T'sais, allez surtout pas faire de tourisme, visiter leur pays et découvrir leur culture. Vegemite, c'est ça la tartinade. Ok. Puis anyway, ça sert à rien d'aller faire du tourisme en Australie. Là-bas, tout peut te tuer. Ah ouais? Ben oui, ils arrêtent pas d'avoir des mimes sur Internet. Là. Même les panneaux de signalisation peuvent te tuer. Ah, ben, coudonc, Andrew, une chance que je t'ai pas comme guide touristique, hein? Ben moi, ça serait pas compliqué. Salut, bienvenue en Australie. Tout peut vous tuer. C'est ça, allez-y pas. Donc, écoute, après tellement des conseils aussi judicieux, Andrew, permets-moi de me rendre à une autre nouvelle ludique. Ben moi, je peux t'en faire une? Non. Oh. Alors, tu vas te faire ta chronique. Ben oui, mais justement, je préfère l'entrée en matière. On parlait de censure. J'ai une belle nouvelle ici de censure. Ah, ben oui, donc, oui, donc. Ben, toi, Wolfenstein, t'aimes-tu mieux avec ou sans nazi? Ben là, sans nazi, ça commence à être un peu plus Wolfenstein. Ben imagine-toi donc que Wolfenstein The New Order va être censuré en Allemagne et en Autriche. Ben ça m'étonne pas. Ben, c'est encore sûr. Une fois, disons que l'histoire et tout ce qui découle de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne assume ce qu'ils ont fait, assez franchement d'ailleurs, pour avoir des amis qui sont allés visiter ce beau pays-là. Mais ils veulent pas trop qu'on gosse là-dessus. T'sais. Donc au niveau des jeux, ça m'étonne pas trop en fait. Et dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour l'Allemagne et l'Autriche, ben ils vont jouer à un jeu de tir où ils vont flinguer des gens qui causent en allemand pour le fun. Parce que toute mention du nazisme, les croix gammées et tout, tout ce qui fait référence aux nazis sera plus dans le jeu. Parce que c'est du monde louche qui parle en allemand. Parce que dans l'ancienne version de Wolfenstein, il y avait Parce que dans beaucoup de jeux, en fait, des années 80-90, des fois, on parlait justement des nazis. Il n'y avait pas la fameuse croix gammée, là, la swastika. Il y avait qui ressemble finalement à la croix de fer allemande, qu'on appelait la croix de l'axe aussi dans certains jeux, qui remplaçait la croix gammée. Donc, il y avait ça des fois qui venait sauver la donne. Mais là, dans ce cas-ci, on enlève, d'après ce qu'Andrew nous dit, là, on enlève toute référence au nazisme. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va, je serais curieux de jouer à la version censurée à un moment donné, juste pour voir comment, genre, si on juste coupé des grands bouts de dialogue, si on vraiment juste, tu sais, tout défaite dans le jeu sans amener rien au scénario pour le modifier. Ben, je me dis, ils ont dû sûrement faire d'autres trames sonores, parce que ça serait un peu con de dire « Oh non, on se fait attaquer par les nazis! Il faut riposter! Oh non, on se fait attaquer par les... Faut riposter! Ouais. » C'est ça, en Allemagne, c'est pas juste une question, ils sont frileux avec ces symboles-là, c'est interdit. Tout simplement d'utiliser ces symboles-là. C'est pas un caprice, c'est une loi en Allemagne et en Autriche, donc voilà ce qui arrive. Donc voilà, pour les amateurs de Wolfenstein et aussi justement des histoires de censure, ben, on en avait une pour vous en Allemagne et en Autriche. Wolfenstein New Order sera donc censuré. Monsieur Castegan, entre les mains, j'ai une excellente nouvelle. Les soldes de printemps commencent sur le Humble Store. Oui! Parce que, comme dit la nouvelle, on vous rappelle d'ailleurs que la plupart de nos nouvelles sont prises sur le site jeuxvideo.com, mais les commentaires sont 100% puissance maximale. Donc, on vous dit, d'ailleurs, dans cet article-là, qu'on connaît beaucoup les spéciaux et les soldes qu'on peut retrouver sur la plateforme de vente Steam, mais chez Humble Store aussi, il y a des belles choses à avoir, donc avec des promos qui peuvent aller jusqu'à 90% sur certains jeux. Donc, les offres sont renouvelées chaque jour et sont accompagnées par des ventes flash d'une durée de 8 heures. Donc, si vous voulez profiter de tout ça, ben vous avez jusqu'au 21 mai. Donc, il vous reste quand même 14 jours pour profiter de tout ça. Donc, tout simplement, Humble Store sur Google, allez visiter ça. Ou tout simplement, ben je pourrais peut-être... pendant qu'Andrew va parler d'une autre nouvelle, ben moi, je vais tout mettre ça là, sur la page de puissance maximale pour vous, chers auditeurs paresseux qui ne veulent pas aller googler le tout. Voilà. Andrew, autre nouvelle. Ben, imagine-toi donc une légende nauséabonde du jeu vidéo va revoir le jour. Ah ouais? Goat Simulator. Non, ah! Non, là, c'est ça. Tu fais pas genre ça, j'invente une nouvelle de Goat Simulator. Tu non. Tu me déçois. Ah, c'est ça. Mais bref, Shag Fu. Ah non, c'était pas mieux. John Reborn a atteint son objectif de 450 000 $ pour voir le jour. Juste pour vous mettre en situation, Shaq Fu était un jeu de combat à la Mortal Kombat très mauvais qu'il y avait au Super Nintendo et au Genesis à l'époque. Ben, il y a du monde qui a été assez fou pour décider de ressusciter le Necronomicon du jeu vidéo en faisant Shaq Fu à Legend Reborn en ramassant la somme de 473 884 $. Et pire que ça, au début, c'était juste posé d'être sur PC, imagine-toi donc. Ben, ils ont décidé qu'ils sortaient ça sur PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PS4 et Wii U. C'est vraiment ridicule. Et PC. Le monde a vraiment de l'argent à perdre. Tant qu'à ça, là, moi, je rappelle à tous les auditeurs que ma fête, c'est le 28 mai prochain. À place de faire des dons comme ça, là, sur Kickstarter ou des affaires de même, là, envoyez-moi ça à moi. Je vais être très, très, très content de recevoir tout cet argent. Ça va être beaucoup mieux investi en boissons, bière, cidre et aussi en jeu pour l'émission. Voilà, c'est dit, c'est lancé. On attend vos dons. Voilà. Non, ça me décourage un peu pour vrai ce ben genre moi, de. Ben ce moi, genre je me dis, tant qu'avoir investi dans chaque fou, il aurait pu investir dans Bear Simulator. Andrew. T'es trop loin. Tu peux pas me frapper, t'es trop loin. Ah, mais tu sais que là, c'est pas si loin que ça. Hein. Je peux me lever. Je pense que j'allais te dire, je peux te lancer une manette. Ah non, c'est ça, j'ai une manette proche, là, je peux te la lancer par la tête. Mais bon, je ferai pas ça, je suis un pacifiste, donc... Ah ouais, les échimoses post-émission en témoignent. Arrête donc de te plaindre, là. Mesdames et messieurs, je suis un homme battu. T'es un technicien battu, voilà. Autre nouvelle, M. Castegan, travaille au noir. Ouais. Avant de retourner en pause musicale, Activision bénéfice en baisse et World of Warcraft perd des abonnés. Hein, enfin, le monde a réalisé que le jeu était pas bon. Bon, ben, le jeu a perdu beaucoup d'abonnés depuis le départ, mais bon. On dit que les résultats des différents éditeurs tombent pour le premier trimestre de l'année 2014 et pour Blizzard Activision, il y a les chiffres également. Donc, les résultats sont supérieurs aux objectifs du groupe. Ils demeurent toutefois moins importants que ceux de l'année dernière à la même période. Écoute, là, tu sais, ils ont le droit d'être déçus, là. Un maigre 1,11 milliard de dollars. Tu sais, c'est moins que les 1,32 milliards du premier trimestre 2013. T'imagines-tu juste 1,11 milliard? C'est catastrophique. Entre autres, basé sur un jeu qui date de mon cégep. Je rappelle que je vais avoir 31 ans dans 3 semaines. Ça commence à dater, t'es, là. T'es si vieux que ça, Mike? Oh oui. C'est ça l'odeur des boulamites dans le char. C'est en plein ça, c'est moi qui sens ça. Ah non, c'est ton choix musical de la dernière émission. Non, ouais, non de deux émissions. Émissions. Donc on dit que les bénéfices nets suivent le même chemin en diminuant de 35% sur un an, s'installant ce trimestre à 293 millions de dollars. Donc aux côtés des ventes numériques, tout va bien. Ils représentent désormais le tiers des revenus de la société. Donc un bon résultat pour Hearthstone, entre autres, leur jeu de cartes là, qui ont sorti en ligne. Une belle performance de 10 millions de téléchargements. Du côté des jeux de l'éditeur, pour World of Warcraft, qui a perdu 200 000 abonnés depuis la fin 2013. Ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Là. Il était temps. Donc, il pointe désormais à 7,6 millions d'utilisateurs. Je fais quand même pas mal. Je suis de mauvaise foi avec World of Warcraft. C'est ça. Un creux qui devrait, a priori, se confirmer dans les prochains mois en attendant la sortie de la prochaine extension Warlords of Draenor. Encore une extension, mais aussi des nombreux titres sur lesquels le groupe compte capitaliser pour cette année 2014. Destiny, d'ailleurs, dont on a parlé lors du secteur 51. J'en profite, mesdames et messieurs, pendant qu'on vous a, là, parce que à peu près tous les mercredis, autour de 17h30, on va contribuer avant notre émission à l'émission Secteur 51, qui est l'émission du retour ici à CJMD. Donc, on va parler de sujets techno. On va parler de complots terroristes. Ouais, c'est ça, puis de la NSA. Comme dans les films de Michael Bay. Voilà, et de la NSA aussi qui fait du recrutement sur Twitter. Du recrutement réalité sur Twitter. Ouais. Alors, si ça vous tente d'entendre parler d'autres sujets, des fois, c'est des sujets qu'on a déjà parlé, mais que certaines personnes, c'est ça, là, on veut se faire découvrir en passant aussi par l'émission du retour. Donc, vous pouvez nous écouter aux alentours de 17h15, 17h30 lors du secteur 51 tous les mercredis avec M. Manuel Esperanzo Lemay, qui est là à tous les du lundi au jeudi, si je me rappelle bien, pour faire le retour. Parce que le vendredi, c'est le sabbatique, comme les pastafariens. Voilà, il faut suivre la religion, Andrew, quand on est pastafarien. Le monstre en spaghetti volant est notre seul Dieu. Et notre seul Seigneur, et voilà. Donc, soyez avertis. Donc, on avait parlé tantôt de Destiny, qui est un des gros titres de Ubisoft qui s'en vient. Pas d'Ubisoft, mais d'Activision. Sinon, Call of Duty, encore une fois, combien d'argent t'avais dit que Destiny avait eu d'investissement? J'avais vu 500 millions. 500 millions, c'est énorme. Ouais. C'est colossal, en fait. Puis en plus, j'ai vu des reviews passer sur Internet. Il paraît que c'est assez ordinaire comme jeu. Donc, j'ai bien hâte de... Mais c'est pas parce que le studio a eu un succès avec Halo. Ben, c'est Bungie qui travaille sur Destiny. Oui, c'est là. Ça. Ben, j'avais vu des vidéos, évidemment, l'année passée, je pense, c'était au E3. Il y avait des trucs qui avaient l'air quand même assez intéressants. Mais ça reste des trailers, hein? Tu sais, la jouabilité, on voit pas ça dans un trailer, justement. Donc, en tout cas, ce sera à voir. Mais c'est quand même un gros investissement au niveau d'Activision Blizzard pour ce jeu-là. Sinon, il y a Skylanders qui est toujours un gros titre. Mais si les jeunes aiment ça, c'est cool. Ouais. Je trouve Non, le problème, c'est pas les jeunes qui aiment ça. C'est les parents qui regardent le porte-monnaie et qui font c'est ça. Encore des figurines. Malheureusement. En plus, il y en a qui allument, d'autres qui allument pas. En plus, Andrew, tu vas être content. Diablo 3 Ultimate Evil Edition qui s'en vient, une version nouvelle génération de l'opus sur PC. Écoute. Attends un peu. C'est où qu'on signe là, pour acheter ça, puis après ça. Le sacré au vidange. Le sacré au vidange, puis dire à Blizzard, ton jeu c'est de la merde, donne-moi mon argent. Là. Va voir ton magasin le plus proche, voir s'ils peuvent te proposer quelque chose du genre. Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle sur Blizzard Activision. Sinon, on va retourner en pause musicale, cette fois-ci avec Zed et ses disciples, ce groupe dont vous avez fait écouter une toune la semaine passée qui s'appelait Le Robineux Robin. Mais là, on vous fait entendre la chanson, évidemment notre chanson préférée, parce que on vous rappelle que Zed et ses disciples, c'est un groupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, à l'époque de Puissance Maximale, quand on était

puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Puissance Maximale de ZDC Disciples. Bon, ben, bonne semaine. Et voilà, c'est parti. Non. Mais il est temps de retomber dans les nouvelles ludiques, M. Castegan. Et j'en ai une qui est du site Branchez-vous. C'est quoi ce site-là? C'est un site qu'on aime. Il n'y a pas jeu et vidéo dans l'adresse? Eh non! Donc, blasphème, hérésie! Non. J'invite les gens à aller se promener sur ce site-là. Je l'aime beaucoup, moi, ce site-là. Très bien fait. Qui parle, entre autres, il parle de techno en général, de trucs geeks aussi. Et là, je vais vous parler de philosophie. En fait, bon, ben moi je m'en vais. Ben, va-t'en, là, va regarder tes nouvelles de Goat puis de Bear Simulator pendant qu'on parle. C'est des excellents jeux, tu sauras. C'est de la merde! C'est toi qui as décidé que c'était de la merde. T'as même pas essayé. Non, puis par principe, je n'essayerai pas ces jeux. Je l'ai chez nous, si tu veux. Ça m'étonne même pas. Mais non, m'oublie ça. Donc, on va parler philosophie, mesdames et messieurs, en fait, de philosophie en 8 bits. Donc, sur Branchez-vous, on nous parle d'une nouvelle web-série qui explore de populaires concepts philosophiques à l'aide de graphismes tirés des jeux vidéo rétro. Donc, voilà, c'est sur YouTube. Moi, j'ai bien hâte d'aller voir ça. J'ai vu passer ça tantôt. Je me suis dit que j'allais en parler à l'émission pour pas l'oublier. Là, mais il y a Usul aussi qui allait se faire une sorte de série dans ce genre-là. Mais Usul, à la base, avec son 3615, était vraiment, vraiment intéressant parce que justement, il était dans le questionnement, autant dans la vulgarisation de bien des concepts dans le domaine vidéoludique, mais aussi dans le questionnement. Et j'adorais la fin de ses chroniques, sa fin de ses 3615 avec tout le temps une citation bien placé de penseur ou de littéraire, pas nécessairement toujours français, là, mais très, très, très bonne série, Usul 3615, qui est terminée malheureusement depuis un bon petit bout. C'était fait en collaboration avec jeuxvideo.com. Tout à fait. Donc, vous pouvez taper ça sur YouTube, vous allez les trouver. Mais dans le cas ici, on va expliquer justement des grands principes comme est-ce que la science c'est la vérité ou qu'est-ce qui est réel. Vraiment des grands concepts de la philosophie. Et là, j'aime bien sur le site, là, sur branchezvous.com, il y a une belle page de présentation. Andrew, tu vas aimer ça. Si tu regardes mon écran ici, c'est un écran de présentation à la Mega Man. Donc, on a Dr. Wily dans le milieu, mais tout autour, à place d'avoir des robots, on a des penseurs, on a des philosophes. Est-ce qu'on absorbe leur philosophie quand ils sont vaincus? Ben, j'imagine bien, Andrew. Donc, vous avez Socrate, Karl Marx, Albert Camus, Nietzsche, Confucius, Descartes, Schopenhauer. Bon, Schopenhauer, pour avoir lu quelques trucs, ça vous tente pas d'être trop déprimé? Éviter, mais c'est quand même très intéressant. Donc voilà, je vous envoie le lien tout de suite. En fait, je vais vous envoyer la nouvelle de Branchez-vous là, directement sur la page Facebook de Puissance Maximale pour que vous puissiez avoir accès à l'article, mais aussi au channel YouTube où tout ça se passe. Donc c'est envoyé. Monsieur Castegan, c'est à vous. Ben, fan de Pokémon. Ah non. Ben non, c'est pas vrai. Je suis un fan de la première heure de Pokémon. Quand j'étais jeune, j'avais mon Pokémon bleu sur mon Game Boy. Pas Game Boy Color, là, pas DS, pas Game Boy. Ouais, la brique. Oh non, c'est ça, la brique qui pesait à peu près 2 tonnes et quart. Et je jouais... À l'époque, c'était portable. Et à ce temps, on regarde ça et on fait « Comment qu'on faisait pour traîner ça? » Ben, c'est surtout aussi la durée des batteries. Là. C'était pas énorme non plus. Non, effectivement. Mais non, sans farce. Mais moi, je suis un dur de dur. Il n'y a seulement que 150 Pokémon. C'est tout. Pas 10 954. Il n'y en a pas 10 954, mais il y en a plus que 150. Je sais. Mais bref, Andrew... Moi, en fait, le questionnement des 150, c'est que... Ça met un peu... Ça enlève toute crédibilité au professeur Oak, dans le fond, quand il y repense. Parce que lui, il dit... Ah, oh, il y a 150 Pokémon, faut toutes tes captures, tout ça. Je te donne un Pokédex pour les répertorier. Vide. Non, c'est ça. Ils connaissent tout là-dedans. Mais ils savent qu'il y en a 150. Toi. Mais ils savent pas c'est quoi. Et après arrange ça, ils disent, toi. Il y en a 150. Et là, dès que le jeu a fini, la compagnie a fait... Ouais. Faudrait qu'on renouvelle si on veut sortir d'autres stuff. Fait que là, il y en a plein d'autres. Mais... Et là, c'est comme... Ah, oh, Ben, on était juste pas au courant. Le crime sort de ta ville. Non, c'est ça. C'est pas parce qu'il y en a 150 dans ta ville qu'il y en a juste 150 partout sur la planète. C'est ça. Mais bon, c'est ça. C'est une question de faisons vivre la franchise le plus longtemps possible. Mais en même temps, c'est des bons jeux. Là. C'est des bons jeux. Pour ceux qui se demandent, là, on parle de Pokémon qui ont juste vu ça à TV. Pokémon, c'est une série de jeux à la RPG. C'est vraiment à la JRPG. Là. C'est vraiment ce genre-là. Vous connaissez le principe de Pokémon, là, donc vous êtes un entraîneur, vous en capturez, vous battoyez contre d'autres pour savoir des badges, blablabla. Bon, voilà. Mais les jeux sont bien faits, mais les plus récents, c'est des bons jeux. Là. Au-delà du fait qu'on étire la sauce, là, ça reste des bons jeux. C'est la même chose depuis le début de la franchise. Ouais. Et on peut toujours avoir uniquement une game, fait qu'on peut pas prêter notre cassette à notre ami. Les autres, ils ont trouvé la vraie façon d'éviter que le monde partage leur jeu. C'est ça. On met juste une sauvegarde. Et voilà, tu te fais pas chier avec la robe. T'en as une, ça finit là, tu peux pas partager. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que Nintendo ont annoncé que pour novembre 2014, il y aurait un remake de Pokémon Ruby et Saphir sur la 3DS. Donc, ils vont s'appeler Pokémon Omega Ruby et Pokémon Alpha Saphir. Eh non, mais tu sais, quand t'as plus d'idées pour tes titres, et autant que t'as plus d'idées pour tes noms de Pokémon. Là. Et il y a des effets de lumière sur la pochette. Mais là, tu viens de m'avoir, là. Fait que bref, comme attendu. Dit le fameux meme, shut up and take my money. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire lancement worldwide en novembre 2014. Donc, ça s'en vient cet automne-hiver, mesdames et messieurs, pour les amateurs de Pokémon. Sinon, on nous parle de Call of Duty Advanced Warfare qui s'en vient. Tu vas pas parler de ça ici. Ben, on oui. avait écrit une règle comme de quoi qu'on ne parlait pas de Call of Duty, ben, à part écoute, pour dire que c'était tout le temps la même affaire puis qu'il ajoutait un chien puis c'était donc bien innovateur. Ouais. Mais là, non, on n'a pas le choix d'en parler un peu. By the way, c'est un sarcasme, le dernier point. Non, c'est ça. Mais ça reste que c'est une franchise très populaire, sinon dans le top 3 des plus populaires au monde. Il faut savoir que pour les amateurs de Call of Duty, ben les DLC que vous allez pouvoir vous procurer seront d'abord offerts sur Xbox. Donc, si vous avez ça... Comme toujours. Ouais, c'est ça. Donc, ça... On va dire que c'est la tradition. Donc, les DLC de Call of Duty Advanced Warfare seront déployés dans un premier temps sur Xbox One et Xbox 360, comme donc pour les derniers. Ça va durer une exclusivité d'un mois. Donc, pour le jeu qui s'en vient, au cas que là, vous venez de remarquer que cette franchise-là existe, que vous voulez vous acheter Advanced Warfare, qui vous ne le saviez pas, ben maintenant, vous êtes au courant que vous allez, si vous avez vous jouez ça sur une autre plateforme que Xbox, ben vous allez devoir attendre un mois avant de pouvoir vous procurer les DLC qui sont offerts en exclusivité d'abord sur Xbox. Ooh. Monsieur Castegan. Ben, imagine-toi donc, le jeu, le successeur spirituel à Heavy Rain, Beyond Two Souls. Ouais. Ben, imagine-toi donc l'application mobile. Parce que j'ai découvert ça en checkant une nouvelle. Il y a une application pour jouer au jeu sur votre tablette ou votre téléphone intelligent. Ben, tu joues sur ta console, mais avec ton téléphone. C'est ça. Dans le fond, c'est que ton téléphone ou ta tablette remplace ta manette et tu peux interagir avec le jeu à l'aide de ton écran tactile d'appareil. Qu'est-ce qui est quand même une bonne idée en soi. Et, ça a eu un succès retentissant, cette application-là, parce qu'il paraîtrait que... Est-ce qu'elle est payante? Non, gratuite. OK. Puis, en fait, pour tous les joueurs qui ont joué au jeu, 30% des joueurs ont opté pour l'application mobile pour jouer au jeu. Qu'est-ce qui est quand même très raisonnable. Non, mais c'est abonné à l'heure. Si on considère que les joueurs, on parle à peu près 1,5 million de joueurs qui jouent au jeu, qu'est-ce qui n'est pas beaucoup, par exemple, pour le jeu. Non, ben, ça fait quand même 400 000 personnes qui... Il y avait eu des critiques assez dévastatrices sur ce jeu-là, malheureusement. Il faudrait que je l'essaye. Julien se l'a acheté, d'ailleurs. Bon, ben, Julien, il faut que je t'emprunte ça. Écoute, ça me fait penser à être quoi, cette nouvelle-là? On pourra peut-être se lancer en discussion là-dessus. Wii U, on en a parlé souvent, mon Piendro, on trouvait que la machine avait du bon potentiel, entre autres à cause de son nouveau gamepad avec écran tactile, les possibilités au niveau de la jouabilité, de réalité augmentée, entre autres, de gestion de plein de trucs dans le jeu, permettait plus de jeux en temps réel, sans interruption et tout. Bon. Ben, t'es comme un exemple, Zelda Wind Waker, tu peux gérer ton inventaire de personnages sur ta manette sans voir aller dans un menu. Zombie U, on est obligé de checker notre inventaire sur la manette. Puis ça arrêtait pas le jeu, donc ça donnait encore plus à la dimension survival horror. Écoute, Andrew, je me demande si des compagnies justement comme Sony puis Microsoft avec leur nouvelle console pourraient opter justement pour plus souvent, mais remarque, c'est une question avec les développeurs plus que les constructeurs de consoles, mais tu sais, d'aller jouer sur les plates-bandes de cette innovation-là au niveau de Nintendo. C'est déjà fait. Mais, tu sais, de façon plus active un peu, parce que c'est sporadique. Il y a quelques jeux qui l'offrent, mais c'est pas une majorité. C'est sûr que ça demande demande plus de travail, mais en même temps, c'est de la gestion justement d'inventaire et des trucs du genre. J'ai pas l'impression que ça doit demander... Ben, en fait, les fabricants ont déjà créé leurs applications compagnons. Tu peux contrôler ta PlayStation à partir de ton téléphone avec l'application PlayStation PlayStation Apps. Puis c'est pareil avec Microsoft, avec leur application Xbox Live que tu peux installer pour ton appareil. Mais aussi, Ubisoft ont déjà commencé à jouer dans cette plate-bande-là avec Assassin's Creed, par exemple, qui ont eu leur propre application. On avait la minimap, on avait toutes ces choses-là qui pouvaient être mises sur le téléphone au lieu de l'avoir à l'écran. Puis c'est en temps réel, là, c'est vraiment une communication entre le téléphone et la console. Donc, c'est déjà pas mal en train de s'implanter, là. C'est sûr que Nintendo ont été un peu les précurseurs de la chose, mais après ça, les deux autres compagnies ont fait on a des technologies qui permettent déjà de le faire. C'est ça, mais en fait, moi, ce que je pense, en tout cas, que ces constructeurs-là ont pensé, justement, au niveau de Sony puis Microsoft, c'est faire regarder. Tout le monde, maintenant, à peu près. En tout cas, la plupart des gamers ont déjà un téléphone intelligent ou une tablette. Pourquoi on se ferait chier à développer du hardware, du matériel de notre côté? Payer pour le faire construire, tandis que les gens ont déjà tout ça entre les mains. On va dépenser pour créer des applications puis des logiciels pour lier nos machines, mais on fera pas de dépenses au niveau du matériel. Peut-être j'ai l'impression qu'ils ont vu la Wii U. D'ailleurs, la Wii U a comme eu une année d'avance sur les autres. Ils ont dû se faire, visiblement, c'est pas une super idée au niveau de l'entreprise, au niveau financier. Ça fait que nous autres, allons peut-être de ce côté-là, tu sais. Parce que sans faire, c'est un bon coup au niveau financier dans une compagnie comme ça, de faire, on n'optera pas justement pour une manette qui va nous coûter si cher à produire, puis on va juste laisser les gens utiliser ce qu'ils ont déjà à la maison, avec lesquels ils sont déjà familiers. Là. Ça fait que le niveau, la courbe d'apprentissage, pas besoin d'en avoir, on a ça sous la main, on connaît déjà le matériel. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont se servir de plus en plus de ça. T'sais, un exemple où j'ai été vraiment déçu, c'est quand on a annoncé justement avec Grand Theft Auto 5 l'application iFruit qu'elle allait avoir sur iPhone et sur Android, puis que vous allez pouvoir. Finalement, on peut pas faire grand-chose avec ça. On entraîne le chien de Franklin, puis on peut modifier nos autos à distance. Ooh. Genre, on est au bureau, c'est vrai! J'ai oublié de customiser mon nouveau char. Je me suis pogné dans Grand Theft Auto. Je dois faire ça immédiatement. Donc, on sort notre téléphone puis on peut le faire. Mais c'est... Je veux dire, l'utilité... Il n'y en a pas d'utilité à ce niveau-là. Là. Non, je trouve ça plate. Il aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais bon. En tout cas, petite parenthèse comme ça, on va espérer que les gens de l'industrie vont pouvoir peut-être se lancer dans le développement de choses plus utiles et aussi d'avoir accès à plus de jeux là, avec ces applications-là. Voilà. C'était mon petit grain de sel là, par rapport à ça. Ben, il était pas petit, Mike. Il était gros. Ah ouais, du gros sel de marinade. On va dire ça comme ça. Oui. Monsieur Castegan, est-ce que tu aurais une autre nouvelle? Oui, des nouvelles un peu moins le fun, par exemple. Mais c'est des choses qui arrivent. Le studio Neversoft, studio qui aurait travaillé sur des jeux de Tony Hawk et quelques épisodes de Guitar Hero, a été absorbé par Infinity Ward. Okay. Pour faire un seul et grand studio pour travailler sur quelle franchise? Pas Tony Hawk encore? Non. Ben, c'est tout, là. Call of Duty! D'accord. C'est une triste nouvelle dans le monde du jeu vidéo. Attendez un peu, je vais mettre... Non, tu vas mettre ça. Non. C'est triste. Non, c'est pas triste, c'est juste n'importe quoi. N'importe quoi. C'est des mauvaises décisions, mais bref, ça fait faire une transition à une autre nouvelle. Parce que celle-là était courte. OK, mais vas-y. Une autre nouvelle triste? Ben, triste. Une leçon de vie. C'est triste pour les gens qui ont parti le projet, mais bon. Projet Kickstarter non livré. La justice s'en mêle. Oh! C'est triste pour les gens qui ont bité. Ouais. C'est triste pour les développeurs, mais c'est juste. Mais ce genre de nouvelles-là m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent Kickstarter, on trouve ça intéressant comme concept. On peut donner des sous à des développeurs, à des gens crinqués là, pour faire des projets. Mais il se passe quoi si justement il se passe rien au bout de la ligne quand on a donné notre argent? Ben, on a un exemple. Là. Oui, ben en fait, le cas là, qui est. Le cas qui arrive, dans le fond, c'est qu'il y a eu des développements, notamment comme Hans de Mans Macabre, bref, un jeu de même en 2012. Ah, l'anglais d'Andrew. Ouais, ben en fait, c'est juste parce que je sais pas comment ils veulent que je le nomme. Mais bref, ça là, OK? Cette histoire-là. Cette affaire-là, ben tu sais, c'est un projet qui avait été financé en 2012. OK. Et le contrat des développeurs est arrivé à terme et le développement n'a jamais pu se terminer malgré les sommes d'argent là, qui a été ramassées là, énormément. Et les backers, ben ils n'ont pas obtenu leur jeu. Mais là, le principe, c'est que Kickstarter, oui, ils disent, oui, il faut que le projet soit développé, mais une fois que l'argent est mis dans le compte et qu'il est utilisé... Kickstarter, je pense que leur responsabilité ne fait rien après. Non, mais c'est ça. C'est les backers qui sont obligés de poursuivre en justice ou Kickstarter fait « on poursuit ». Ben, c'est ça l'affaire qui arrive, c'est que les responsables de Kickstarter rappellent que soutenir un projet n'est pas une garantie de le voir aboutir. Donc, il est écrit dans les clauses quand on donne de l'argent. Fait que, si vous investissez dans un projet Kickstarter et que l'équipe en arrière du Kickstarter investit l'argent tout croche. Genre en cocaïne et en armes prohibées. Et en prostituées. Genre. Parce que cocaïne et prostituée, ben, c'est Louis-José Hood le dit, ça va ensemble. C'est comme un combo Happy Feast au McDo, ça va ensemble. Ben, bref, tout ça pour dire... Quel parallèle maladroit. Oui, je le sais. Vas-y donc. Bref, le principe, c'est que là, Kickstarter, eux autres, ils disent, ben l'argent est déposé, c'est pas notre responsabilité de regarder comment que l'argent est géré. Et là, il y a un avocat américain de l'État de Washington qui a décidé de porter plainte et d'attaquer en justice une société qui s'appelle Altius, qui a été incapable de livrer à ses backers qu'est-ce qui a été promis. Et dans le fond, c'est 810 personnes qui avaient backé un projet de cette société-là. Donc, il avait récolté une somme de 25 000 $ sur les 15 000 qui étaient initialement demandés. Et l'avocat a réussi à gagner gain de cause. Gain de cause. Et c'est à cause de ça de piano. Là. Non, c'est ça, t'es bouleversé. Et a réussi à avoir un dédommagement jusqu'à 2000 $ pour chacun des backers. Oh, quand même! Donc, fais le calcul, 810 fois 2000, devant que tout le monde a le montant maximal. Là. Ça fait beaucoup d'argent. Ben, en fait, ben, c'est intéressant de voir justement que, ben là, imagine que Kickstarter soit obligé de commencer à gérer les dépenses de ceux qui font des justement qui partent des projets avec eux, ça serait ingérable. Mais en même temps, tu sais, en tout cas, c'est eux autres la plateforme qui permet à ces gens-là de se lancer. Ils devraient avoir une certaine part de responsabilité de la part des gens de Kickstarter. Ben bon, on peut voir que c'est possible. Mais en tout cas, moi je dis pas aux gens d'arrêter de financer des projets sur Kickstarter ou sur Indiegogo ou sur La Ruche au Québec, mais soyez prudents. Comme à chaque fois on dit avec Pierre-Luc, là, souvent notre expert en sécurité informatique, quand vous faites des transactions sur Internet, soyez toujours prudents. C'est ça, donc Kickstarter tient à rappeler que ce n'est pas une garantie et qu'il faut faire attention parce que certains studios ou encore certains entrepreneurs en difficulté considèrent trop souvent cette plateforme comme étant une solution miracle à leurs problèmes. Voilà. Ah non, c'est bien dit. Donc, merci beaucoup, M. Castegan, pour cette nouvelle. Et là, mesdames et messieurs, il est 19h50. Donc, la première heure de Puissance Maximale touche à sa fin. Et pour ça, on va aller en double pause musicale avec, entre autres, un groupe de Lévis, un de mes groupes préférés, en fait. Mais c'est un groupe qui, malheureusement, il n'est pas mort, mais disons qu'on ne les voit pas souvent. Leur dernier album studio date de 2007 et on parle du groupe metal Blinded by Fate que j'aime énormément, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Entre autres, en fait, leur album, j'ai ça sous la main, là, Under a Knuckled Sun, leur premier album, en fait. J'aime beaucoup ce groupe et on va vous envoyer une de leurs chansons qui s'appelle A Perfect Imperfection. Et tout de suite après, en rafale, on y va avec Seek and Destroy de Metallica. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis.

Ramis pour Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Blinded by Fate et The Perfect Imperfection et Seek and Destroy de Metallica. Nous sommes de retour à l'émission. Vous venez d'entendre M. Thierry Bourdon alias Ramis alias D'Artagnan dans le sous-signe des Mousquetaires. Bref, un doubleur français qu'on a vu à J-Animé cette année. Et là, rapidement, vu qu'on vient de parler justement avec. On vient d'entendre Ramis d'Albator 78. Je tiens à vous dire, là, j'ai regardé pour les amateurs de vieux. De vieux dessins animés d'époque. Ceux qui connaissent Albator, l'année passée, il y a un film d'animation 3D qui est sorti au Japon, qui s'appelle tout simplement en français Albator, le corsaire de l'espace, comme la série. J'ai vu ça la semaine passée et pour tous les amateurs, je vous le recommande chaudement. Ça clash un peu, il y a eu des grosses critiques sur ce film-là disant que ça dénaturait le personnage d'Albator. Moi, je l'ai vu comme un remake. Selon moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit c'est juste un remake du personnage et de tous les autres personnages qui gravitent autour d'Albator. Très, très beau film, c'est très bien réalisé. Très bien fait, la technique est malade, les détails de l'animation sont vraiment impressionnants, et aussi j'ai beaucoup aimé l'histoire justement, ça fait différent de l'Albator, un peu plus intransigeant dans cette version-là, j'ai beaucoup aimé ça, donc je vous dis ça comme ça aux amateurs d'Albator et aussi de dessins animés rétro. Monsieur Castegan, il est temps de reparler de nouvelles musiques. Ouais, je viens d'en tomber sur une que j'ai fait, quoi? Ben vas-y donc. Le studio Lionsgate, t'es la compagnie de production et de distribution cinématographique, oui, annonce son intention de se lancer dans le jeu vidéo. Ah ouais. Et l'ouverture d'une diffusion confetti consacrée, ah, okay. à cette activité. Ah ouais. Ouais. Puis là, dans le fond, il est écrit Lionsgate a produit et ou distribué des films faisant le grand écart entre American Psycho et Hunger Games, en passant par le documentaire avec Fahrenheit 9/11. Oui. La société canadienne espère travailler sur de nouvelles IP, mais également tirer profit des marques qu'elle possède déjà dans le monde vidéoludique. Good! C'est toujours un mot. J'aime toujours entendre parler de nouveaux joueurs dans cette industrie-là. Ça ne peut amener, disons, que des nouveaux... Ouais, mais ça me fait peur, moi. Pourquoi? Il y a toujours une règle en or dans l'univers du jeu vidéo. De? Un jeu... d'un film. Ah, mais là, ils ont-tu dit qu'ils allaient se spécialiser là-dedans? Je sais pas, mais ils disent qu'ils veulent exploiter leur franchise. Ah, effectivement, à ce moment-là, ça peut être... on sait pas. Peut-être que ce sera le studio qui va nous faire mentir puis qui va faire d'excellents... jeux de film. Peut-être, on sait pas, Andrew. Moi, je laisse la chance au coureur, mais mettons que j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais quand même, c'est toujours une bonne nouvelle. On sait jamais ce qui peut en sortir. Mais là, un petit peu de compétition et de nouveauté, ça peut pas faire de mal. Mais bon, on va espérer justement que ce soit de la nouveauté et des nouvelles idées qui soient amenées par les gens de Lionsgate. Voilà. Monsieur Castegan, que feras-tu mardi prochain? Je vais me grader à Bedren. Ah, mais sais-tu qu'est-ce que tu vas manquer en t'agrandant t'agrandant si opinément la bédaine? Mais tu vas manquer la prochaine update de Grand Theft Auto Online, mon cher Andrew. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait de la liaison avec le sujet que t'as parlé pendant Secteur 51. Mais là, on le rappelle aux gens de Puissance Maximale que mardi prochain, il y a une grosse update qui s'en vient pour Grand Theft Auto Online. Une update qui s'appelle The High Life, qui vont entre autres apporter 4 nouvelles voitures que vous pourrez acheter. Pas 2, mais 4. Non, pas 1, pas 2, pas 3, 4, mesdames et messieurs. On parle d'un SUV, donc d'un VUS, qui va s'appeler le NS Huntley. Après ça, il va y avoir le Debauchy Massacro, qui va être un sports car, le Pegasi Zentorno, je mets tout plein d'amplitude sur mon accent très mauvais, là, qui sera... Non, il est excellent ton accent. Donc, le Pegasi Zentorno, qui sera un supercar, et la Dinka Trust, qui sera une moto que vous pourrez aller vous acheter. Également, il va y avoir une nouvelle mitraillette qui s'appelle la Ball Pop Rifle, qui va être aussi disponible. Et surtout, une des grosses nouveautés avec cette update-là, évidemment, des nouvelles missions. Entre autres, des nouvelles missions, on disait, je pense qu'il y a 5 ou 6 nouvelles missions contact, donc des missions co-op qui sont disponibles. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle. C'est ce que je préfère dans Grand Theft Auto Online, les missions en co-op. Selon moi, c'est ça qui est le plus intéressant dans la version online. Mais surtout, ça va nous amener la possibilité, mesdames et messieurs, de pouvoir posséder plusieurs propriétés dans Grand Theft Auto Online, dans le sens où vous avez déjà un condo avec un garage et là, vous êtes tanné d'être dans votre coin ou vous aimeriez en avoir un deuxième un peu plus loin dans la ville. Question d'arrêter de voyager tout le temps ou de pouvoir apparaître à celui que vous voulez en début de game, ben vous pourrez le faire parce que vous pourrez maintenant posséder 2 condos et donc 2 garages. Certaines personnes disent, mais à quoi ça sert d'avoir des condos dans Grand Theft Auto? Se la péter. Moins, surtout, ça ne sert pas à grand-chose, à part que les condos viennent avec un garage. Et les garages servent à entreposer toutes les voitures que vous pouvez, certaines que vous pouvez voler, d'autres que vous devez absolument acheter. Pour se la péter. Pour se la péter, mais... Ça, tu peux laisser le monde rentrer puis dire, t'as-tu vu mon garage? Mais le pire, c'est que moi, j'ai un garage de 10 autos dans Grand Theft Auto Online. Puis ils sont tous pris. Oui, c'est plein. Mais tu sais, je me sers. Tu vois comment il y a de l'argent dans son. Ah, auditeur, cherchez Michael Michaud sur PlayStation Network. Ouais, jouez dans sa game avec lui de Grand Theft Auto et détruisez son garage. Ouais. Il va être content. On peut pas faire ça, là, mais bon. Ben non, mais sortez le véhicule en dehors, détruisez-le. Non, ils peuvent pas sortir mes véhicules. Il y a juste moi qui peux les sortir. Demandez à Mike de sortir ses véhicules. Non, là, c'est ça. T'sais. Demandez-y de faire le niaiseux puis de sortir. Mais ils sont tous assurés, mes véhicules. Mais c'est ça, t'as des assurances. Faut bien que tu t'en sers. T'sais. Non, c'est ça. Faut bien que je récolte à un moment donné. Mais tout ça pour dire que t'sais, sur mes 10 autos, je m'en sers vraiment réellement de peut-être de 4. Dont une moto. Même pas, mes motos, c'est vraiment juste. Mais c'est pas toi qui disais qu'après avoir écouté Son of Anarchy, ton moteur avec ton côte de cuir. J'ai un chopper, tout là. Mais c'est pas les meilleurs trucs à prendre en mission, les motos. Parce qu'on se fait. C'est plus facile de se faire tirer dessus en moto qu'en gros. Je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, c'est ça, tu sais, j'ai 10 autos, mais il y en a peut-être 4 que je me sers de façon régulière. Donc, il faut vraiment être crinqué pour vouloir en avoir un autre. Garage de 10 places puis avoir plein d'auto. Mais bon, si c'est ça votre trip, en même temps, il n'y a pas vraiment de gros but spécifique dans Grand Theft Auto Online à part faire de l'argent puis vous acheter des chars, des trucs du genre. Un jour, tu vas t'acheter la ville. Ça sera à moi. Donc, grosse nouveauté au niveau de cette update-là. Et à surveiller, mesdames et messieurs, on nous avait annoncé ça pour le mois d'avril, mais je pense que ça va venir plus loin. Soit au mois de mai ou au mois de juin, le DLC. Ben, y a un DLC qui va s'en venir pour le mode solo, qui va rajouter justement des missions à la trame narrative principale du jeu, mais aussi une update qui s'en vient pour débloquer les heists, donc tous les gros coups qu'on peut faire en équipe, comme les vols de banque, de bijouterie, ces affaires-là, ben ça s'en vient également, c'est à surveiller pour Grand Theft Auto Online. Monsieur Castegan. La réalité virtuelle, bientôt une réalité pour Microsoft. Ah oui? Ben, imagine-toi donc, après Facebook, l'Oculus Rift... Non, pas pour vrai. Ben oui, t'es après Facebook qui a acheté l'Oculus Rift... Après Sony qui ont dit « Ah, nous autres, on a le projet Morpheus, puis ça va être meilleur, ça va clencher tout. » Ben, Monsieur Phil Spencer. de Microsoft. Si tu manquais cette prononciation-là... Non, c'est à quoi chercher le nom de famille. Ah, okay. Phil Spencer de Microsoft a dit que la réalité virtuelle est un domaine très intéressant, spécialement pour les jeux. Et bien qu'on en parle depuis 20 ans, je pense que le tout deviendra très prochainement une réalité, aussi bien pour les joueurs que pour les développeurs. Fait que... Est-ce que l'annonce hardware de Microsoft ou E3 serait peut-être un casque de réalité virtuelle? Puis qu'ils vont dire à quel point qu'ils innovent dans le marché parce qu'il va y avoir un LED de plus qui va allumer que les autres. Sans faire, ça me désole un peu de voir ça, encore une fois, que les compagnies se copient ou ils vont encore d'idées que des gens ont déjà eues. Puis en tout cas, mais en même temps... plus de compétition dans ce domaine-là, c'est une bonne chose. Mais, tu sais, en tout cas, c'est un peu comme les fameuses caméras, tu sais, Kinect, comme ce que la Wii avait, puis les détecteurs de mouvement, puis... Ah, je sais pas. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de révolution chez Microsoft, pas plus que chez Sony. Oculus avait bien lancé le... Rift avait bien lancé le bal avec son Oculus et tout, mais... En tout cas, on verra bien. Encore une fois, je suis positif ce soir. Je dis laissons la chance aux coureurs. Mais je ne m'attends pas à grand-chose. Non, mais ils vont révolutionner le marché à cause du LED. C'est officiel. C'est officiel. Monsieur Castegan, peut-être une dernière avant de retourner en pause musicale. Le Blu-ray responsable des pertes de Sony, point d'interrogation. En fait, comme c'était possible de lire, entre autres, sur le site jeuxvideo.com, Sony a récemment enregistré des pertes plus importantes que prévues. Donc, avoir l'information de ces pertes-là. Donc, selon Game Industry, Sony aurait enregistré des pertes d'un peu plus importantes que prévues pour l'année fiscale qui a pris fin le 31 mars dernier. On nous parle d'environ 865 millions d'euros de pertes, soit 145 millions de plus que selon les dernières prévisions. Donc, on parle quand même de 865 millions de pertes, là. C'est proche du milliard, pas mal. Ben là, on avait incriminé l'arrêt des ventes de PC. C'est Vaio qu'on dit pour la gamme portable de PC Sony. Ouais. Et des dépenses de restructuration. Néanmoins, selon The Verge, ce serait le déclin du Blu-ray qui serait le principal responsable. La demande de médias physiques se réduirait ainsi plus vite que prévu, surtout en Europe. Donc, on parle du déclin. Ça reste, je le rappelle aux gens, que quand vous regardez un film dit HD à la télévision, c'est pas le même, c'est pas le full HD que vous avez sur un Blu-ray. Il y a tout une petite compression parce que sinon, un film HD copié au complet là, sur un disque dur, c'est environ, ça peut jouer entre 30, 35, 40, 45, voire des fois 50 gigs. Donc, il n'y a pas le choix d'avoir de la compression lorsqu'on voit du HD en streaming. Donc, c'est sûr que si vous voulez avoir le top de qualité au niveau de l'image, l'idéal, c'est de vous acheter le Blu-ray de votre série préférée. Si vous êtes du genre, évidemment, à réécouter cette série-là, si vous êtes, si évidemment, si vous voulez juste le regarder une fois, le streaming est une excellente solution. On passe par Netflix, des trucs du genre. Ou Crunchyroll. Ouais, c'est ça, au niveau de l'anime japonais, il y a des belles qualités d'image. Mais je rappelle que le Blu-ray, c'est pas mal le top que vous pouvez et avoir. Ça défonce votre bande passante. Ben aussi, quand vous voulez plus, si vous regardez des... Mettons, j'arrive à soir. Là, j'ai appris que sur Netflix Canada, il y a la série de West Wing aujourd'hui qui a été débloqué. Grosse série sur la politique. Il y a beaucoup de saisons. Puis maintenant que je me tape tout ça en HD, ça se peut très bien que mon Vidéotron m'envoie une petite notification en disant Monsieur Michaud, vous avez dépassé votre quota de téléchargement pour le mois. À moins que vous ayez du téléchargement illimité, comme moi. C'est ça. Ben, à ce moment-là, c'est pas grave. Mais si vous devez gérer un quota de téléchargement et vous voulez quand même avoir une belle qualité d'image, ben, à ce moment-là, c'est plus difficile. Donc, toujours tout ça pour dire que le Blu-ray reste la meilleure solution au niveau de la qualité de l'image. Mais le problème, justement, avec les trucs, avec la numérisation du contenu, donc on passe par Vidéotron, par Netflix, par Tout.tv, toutes ces, finalement, ces plateformes-là de diffusion, ça fait que ben il y a des pertes au niveau des supports matériels comme le Blu-ray. Donc, on dit que les consommateurs auraient largement adopté les services de téléchargement comme iTunes, comme je viens de vous dire. Sony aurait d'ailleurs d'ores et déjà accepté le déclin du marché physique et serait conscient qu'il ne rapportera finalement pas autant qu'escompté. Remporter la bataille face au HD-DVD, on vous rappelle à l'époque, il y a tout le temps un combat de format, il y avait eu Beta contre VHS à une époque. Bizarrement, je sais, y avait-tu quelque chose contre le DVD, Andrew? Je sais qu'il y avait les laserdiscs, il y avait les gros disques énormes aussi, là, dont le nom m'échappe. Non, le DVD avait été pas mal... T'es arrivé tout seul. Il est arrivé, il a été accepté, c'était au niveau du plus et du moins. qu'il y a eu une petite guerre, mais au niveau de l'industrie du cinéma, ça les a pas affectés. Non, le choix, c'est ça. Mais là, pour le Blu-ray, il y avait eu le HD DVD qui avait été en compétition contre le Blu-ray. Donc, remporter cette bataille-là aurait ainsi nécessité des investissements colossaux à Sony, qui pensait alors s'y retrouver avec le temps. Ceci étant, aujourd'hui, les revenus ne seraient pas suffisants pour rentabiliser l'investissement et ne devraient pas le devenir, puisque Sony prévoit carrément une détérioration du marché à l'avenir. On attendra toutefois avant d'enterrer le Blu-ray définitivement, puisque, pour rappel, il équipe encore la PS4 et la Xbox One. Et aussi, il faut rappeler que dans les technologies qui changent et qui s'en viennent, il y a le 4K également qui est à surveiller. J'en ai déjà parlé dans un de mes articles dans le pub de Lévis. À surveiller, mais soyons pas trop pressés. Si vous êtes genre à... Mettons que vous avez des moyens puis vous êtes genre à tout le temps vous acheter la dernière nouveauté, attendez avant de vous acheter du 4K. Il y a déjà des télévisions disponibles à ce niveau-là. Ça va faire des belles images, mais pour l'instant, ça vaut pas la peine de se lancer là-dedans tout de suite. Pour le prix, ça vaut pas la peine. Voilà, donc attendez un peu. Puis aussi, il va voir, ça va être Blu-ray également au niveau du 4K. Ça, ça a déjà été annoncé, mais ça va être un Blu-ray un peu... pas pareil, évidemment. Parce c'est que le Blu-ray 2.0. Voilà. Donc, moi, je continue à dire, vous êtes des amateurs de cinéma, vous voulez avoir la plus belle des images, le meilleur des sons. Continuez à vous acheter des Blu-ray, c'est l'idéal. Mais et si vous êtes pas du genre, vous aimez le cinéma, mais vous n'êtes pas du genre à réécouter 20 fois le même film, peut-être que justement la plateforme de téléchargement streaming est la solution pour vous. Monsieur Castegan, il est temps de passer en pause musicale et on va se rendre cette fois avec quelque chose de plus relax que les autres chansons qu'on a entendues. On va aller écouter un petit classique de CCR, ça s'appelle Down on the Corner, voilà, c'est dit. Down on the Corner de CCR. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. C'est Esteban des Cités d'Or. CJMD 96.9. Nous sommes désolés de vous interrompre durant cette interview. Et voilà. Désolé d'avoir interrompu Esteban des Cités d'Or avec cette annonce-là. On va le remettre. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après ce petit comme problème. Comme si là, de rien s'était il passé. Il s'est rien passé du tout. Et vous avez entendu CCR avec Down on the Corner, un classique de CCR, bien évidemment. Et on va continuer en nouvelles ludiques, M. Castegan. Et cette fois-ci, on va parler de Star Wars, parce que dimanche passé, c'était le 4 mai. Donc, comme disent nos amis les Anglos, « May the Fourth be with you ». Donc, c'était la journée Star Wars le 4 mai. Et là, dans les annonces... pas de Star Trek. Et non, pas de Star Trek, même si c'est pas mauvais du tout, Star Trek. C'est très bon, en fait. Mais au niveau de Star Wars, des grosses annonces qui ont été faites, entre autres, un trailer qui est sorti pour la nouvelle série animée Rebels, qui est sorti sur les internets. D'ailleurs, je vais vous mettre ça sur la page de Puissance Maximale pendant que je vous en parle. Un petit trailer assez rapide, d'une minute. J'avais parlé justement à un moment donné dans une émission que j'aime beaucoup la série Clone Wars, une série qui, selon moi, devient de plus en plus intéressante au fil des saisons. D'ailleurs, j'attends de lire, pas de lire, mais d'écouter la dernière saison qui était disponible sur Netflix. Parce que, en tout cas, ce que je trouvais intéressant avec le dessin animé Clone Wars, c'est qu'il devenait de plus en plus adulte. C'est sujet adulte, on n'avait pas peur de faire mourir des personnages, on voyait ce qui se passait, c'était pas... on ne verra plus ce personnage? Non, on le voyait mourir. Puis, c'était assumé, ça allait au bout des choses. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comme plusieurs personnes, des fois, pas au niveau du travail de l'animation 3D, mais disons, le character design me tapait un peu sur les nerfs au début. Évidemment, le caractère pointu, notamment avec les mentons pointus, les nez pointus, ça fait. Mais on s'y habitue. Là, j'ai regardé le nouveau pour Rebels. Comment dire ça? L'animation, encore une fois, est bien faite, sauf que j'ai l'impression qu'on est retombé dans un... je joue ça là, dans ma face présentement pendant que je vous en parle. J'ai l'impression que c'est retombé un peu trop dans le... pas dans l'enfantin, mais c'est trop cartoon. Voilà. Je trouve que l'animation est trop cartoon. J'ai peur, malheureusement, qu'on perde cette dimension-là vraiment adulte. On n'avait pas peur d'aller au bout des choses comme dans Clone Wars. Là. J'ai l'impression qu'on va perdre un peu de ce côté-là avec la nouvelle série, malheureusement. Mais bon, regardez, c'est un trailer d'une minute. J'attends de voir la série avant de me prononcer, bien évidemment. Mais pour ceux que ça intéresse, je viens de poster ça sur la page Puissance Maximale. Autre nouvelle sur Star Wars, M. Castegan, quand même une assez grosse nouvelle. On a une trilogie qui s'en vient, si on le sait, une nouvelle trilogie qui s'en vient pour l'épisode 7, 8 et 9. Mais Disney a décidé qu'il y aurait 3 films spin-off qui seraient aussi sortis pendant cette période-là. En fait, entre chaque épisode de la trame principale de Star Wars, donc entre le 7 et le 8, il y aura un film spin-off. Et entre le 8 et le 9, il y en aura un autre, puis après le 9 aussi. Donc, ça va pas suivre exactement ça suivra pas la trame principale. D'après ce qu'on nous dit, ça serait... Il y a des rumeurs qui parlent de films sur des origines de personnages connus de la série, ou tout simplement qui suivent des personnages connus, mais tu sais, qu'on voit pas si souvent, ou qu'on voit souvent, mais tu sais, qu'on n'a pas vu la vie en dehors d'eux. Donc, on parle de Boba Fett. Sûrement qu'il y aurait un film, mais ça reste des rumeurs, il n'y a rien de confirmé. Donc un spin-off sur Boba Fett, ça j'aimerais beaucoup ça, voir ça. Pour voir à quel point il est badass, comme ouais. Dans Robot Chicken. Non, là, c'est ça, parce que tu sais, Boba Fett, tu le vois dans Robot Chicken. Pipiou, pipiou, non c'est ça. Pipiou, you're dead and Boba Fett. Non, c'est ça, mais... Ou encore Boba Fett en caleçon qui dit que le postérieur de Seigneur de Cardacan est fort accueillant. Ah, ça oui. Un classique des classiques. D'ailleurs, on rappellera dans notre nouvelle quête de Pathfinder, mon cher Andrew, que ton voleur s'appelle Bob Affett. Ouais. Tu as relevé le défi. J'ai relevé le défi. Voilà. C'est pas Bob Affett, c'est Bob Affett. Et l'histoire, c'est que mon personnage, sa mère, elle disait Bob Affett ci, Bob Affett ça. Fait que c'est son nom. C'est resté comme ça. Mais bref, il parlait aussi peut-être de quelque chose avec Han Solo. Ça pourrait être aussi intéressant. Tu sais, son passé de smuggler, là, de contrebandier. Ce serait intéressant aussi, là, pas juste de généralissime des forces rebelles. Han Solo, même Yoda, on parle de Yoda, ça serait aussi peut-être intéressant de voir ce que Yoda a fait avant d'arriver à l'Académie de Jedi. Donc, voilà les rumeurs, mais il y aura trois films spin-off qui s'en viennent en plus. Donc, on va avoir deux trilogies de Star Wars dans les 6 prochaines années, finalement. Un film par année. Voilà. Donc, mais bien beau la quantité, mais il faut qu'il soit bon. C'est en plein ça. Il y a beaucoup de monde qui avait déjà peur avec la première trilogie. Parce que la prochaine trilogie, parce qu'on se rappellera que l'épisode 1, 2, 3, c'était loin. En tout cas, pour la plupart des gens... loin d'être à la hauteur de la première trilogie. Donc, ce sera à voir. On va espérer... Bon, on a J.J. Abrams, mais en même temps, il est bon. C'est un bon réalisateur, mais c'est pas gage de succès obligatoire. Donc, c'est sûr que tout ce qui est actualité par rapport à ça va être suivi par la communauté. D'ailleurs, le casting aussi de l'épisode 7 a été révélé. Et on était tous contents. En tout cas, moi, j'étais très content d'apprendre que les héros originaux, la plupart allaient être de retour. Donc, et que la même personne de petite taille allait faire R2-D2. Ouais. Puis on va avoir Chewbacca, C-3PO va être de retour, mais, Luke Skywalker, Han Solo, la princesse Leia. Darth Vader n'est pas là. Non, je sais pas pourquoi. Hein? Je sais bien pas pourquoi, Ando. C'est plate. C'est plate, hein? Mais Mark Hamill, ça, je suis vraiment content de voir Mark Hamill revenir dans cet univers-là parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés à se débarrasser du personnage de Luke Skywalker dans sa carrière. Mais, tu sais, il a fait une super belle carrière au niveau du doublage. T'sais. Le Joker, on en parle souvent, mais c'est la voix du Joker. Mais j'ai vraiment hâte de le revoir dans cet univers-là. Sans farce, j'étais très content de lire ça. Donc, voilà pour Star Wars. C'est fait, c'est dit. Quand même des grosses nouvelles qui ont sorti la fin de semaine dernière pour Star Wars. Monsieur Castigan. On va parler de E3, mesdames et messieurs. Oui. Parce que ça s'en vient, le E3. Tout à fait. Ben, imaginez-vous donc qu'il y aurait eu une fuite au niveau de Sony et le planning de la conférence de Sony serait sur Internet. Ouais, ben tout. Ouais. Et sur le site Branchez-vous, d'ailleurs, j'aurai les détails de cette dite conférence. Veux-tu avoir les informations? Ben, tout à fait. Il y aurait une bande-annonce de 3 minutes pour présenter le nouveau jeu de Uncharted sur la PlayStation 4. Évidemment, nouvelle console, c'est officiel qu'il allait avoir un nouveau titre de cette franchise-là. Exactement, jeu serait prévu pour le lancement en été 2015. On nous parle, je pense, d'images in-game même. Oui, exactement. Et un nouveau jeu produit par Media Molecule pour le casque de réalité virtuelle Morpheus, où on pourra construire un univers en 3D, puis plein de gogos de même. Dans le fond, un jeu un peu expérimental qu'il faut comprendre ici. Un jeu de rôle produit par Guerrilla Games, dans le fond, qui se produirait dans un environnement provocateur, visuel décrit comme fou, fidèle à ce que le studio a l'habitude de proposer. Donc, ça devrait normalement être un jeu qui va plaire aux joueurs sérieux. Sinon, Sony Japan Studio présentera deux, possiblement trois jeux, dont le premier, Project Beast, qui serait le successeur spirituel à Demon's Souls. T'es comme si on se fait pas déjà assez chier avec Demon's Souls. Mais bref, après ça, il y a The Last Guardian. Enfin, qu'on aurait des nouvelles qui seraient renippées pour la PlayStation 4 et qui sortiraient cette année. On a toujours des nouvelles. La seule Il se passe à rien, mais on a des nouvelles. C'est ça. On sait qu'il se passe à rien. Ben c'est ça, mais il devrait être, ça aurait été renippé pour la PS4 et ça verrait le jour normalement cette année. Okay. Et il y aura un mystère au niveau d'un troisième jeu qu'on ne sait pas c'est quoi. Ah, tu vois, moi j'ai d'autres informations ici par rapport à ça. On nous parle d'un Gran Turismo 6. C'est 7. Moi j'avais 6 ici. Là. Ben c'est 7. Ah ben 7 d'abord qui s'est annoncé sur PS4. Ben je l'ai moi aussi. J'ai pas fini de dire tout. Ah Mike. Ok, je pensais que tu avais terminé. J'ai pas fini. Voilà. Donc vas-y. On parle d'une présentation du jeu Gran Turismo 7, une version renippée de Gran Turismo 6 pour la PlayStation 4. On aurait des images en 1080p avec 60 frames par seconde. C'est Gran Turismo 6. Mais ils vont l'appeler 7. Mais ils vont l'appeler 7, ok. Fait que. Pour que ça soit encore comme on parlait de l'autre fois. Pour pas avoir à payer le système passeport. C'est voilà. Bon. Et son lancement serait prévu vers la fin de 2015. On aurait aussi un teaser du jeu God of War 4 qui aurait une cinématique entrecoupée de cinématiques et d'éléments en jeu qui serait prévu aussi pour la fin 2015. Après ça, il y aurait aussi un jeu avec la marque Killstrain qui serait déposé par Sony qui serait en réalité un jeu qui tenterait de redémarrer la franchise Siphon Filter sur la PS4. Donc Siphon Filter qui est un jeu d'infiltration furtif avec quand même des graphiques très intéressants pour l'époque où c'était là. Il y aurait aussi le retour de la franchise Wipeout, le jeu de course de moto de anti-gravitationnel, comme voilà. Tu dis, sur la PlayStation 4. Chose qu'il faut savoir, le jeu s'était réfugié dans les plateformes mobiles. Donc, je suis dans le pourri fond, dans le jeu-là, mais j'adore ça. C'est ça, VT, il s'était réfugié dans les plateformes mobiles PSP et PS Vita, donc on parlerait d'un retour. Il y aurait aussi un jeu mystère de Quantic Dream qui serait annoncé avec un démo technique, des démonstrations de jeux de The Order 1886 par le studio Ready Down. Ninja Theory présenterait possiblement une suite au jeu Heavenly Sword, un jeu ressemblant énormément à God of War, mais qui a quand même eu un bon succès malgré la courte durée du jeu. On aurait aussi Sony London qui présenterait un jeu AAA qu'il travaille depuis plusieurs années dans le grand secret. On parlerait d'un magnifique jeu en vision objective, donc troisième personne, pour un retour en force. Il faut savoir que Sony London est quand même un des grands studios qui fait des titres AAA, je veux dire, pour le studio Sony. Sucker Punch annoncerait du contenu téléchargeable pour Infamous Second Son. Et il y aurait aussi une présentation de Drive Club. Moi? T'as-tu fini? Oui. OK. Moi, j'ai même vu des trucs qui disent que les éditeurs Ubisoft, Electronic Arts, Konami, Capcom, Warner Bros., Activision, Square Enix et Take-Two vont être sur scène. Puis on dit que Take-Two devrait d'ailleurs présenter Grand Theft Auto 5 nouvelle génération. Je sais pas si... En tout cas, il me semble qu'ils n'avaient pas parlé qu'il allait avoir une version nouvelle génération de ce jeu-là. En fait, les rumeurs hésitent entre Grand Theft Auto 5, aussi on parle déjà d'un nouveau titre de la franchise Grand Theft Auto pour la nouvelle génération. Ça va être tentant. Mais de toute façon, moi, tout mon crew est en PS3 puis ils sont pas prêts à s'acheter à PS4. Donc, je suis correct, je vais rester avec ma gang de PS3. Mais, j'avoue que ce serait un peu rapide, par exemple. Ça fait même pas un an encore que le jeu est sur le marché puis ils arriveraient déjà avec un nouveau titre. En tout cas, bref. Ils feront bien ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'ils vont le vendre de toute façon en nouvelle génération. C'est ça. Les gens qui l'ont pas vont l'acheter et voilà. Donc, quand même plusieurs rumeurs possibles nouvelles qui s'en viennent au niveau du E3 pour Sony. Parlant du E3, justement, M. Castegan, la conférence de Microsoft pour le E3 sera le 9 juin à 18h30. Donc, voilà, vous êtes tous informés. Vous savez que Nintendo, eux, ne feront pas de grosses conférences, comme l'année passée, en fait. Mais là, Microsoft sera là 18h30 le 9 juin. En fait, 9h30, heure locale, excusez-moi. Pas 18h30, c'est l'heure de France. Donc, à 9h30, heure locale, donc en Californie, vous calculerez ça vous-même pour l'heure du Québec. Il n'y a rien. Par contre, c'est ça, pour Microsoft, il n'y a pas grand-chose qui est filtré. Il va y avoir une nouvelle licence, mais des suites. Le classique, finalement, de ce qui se passe au E3. Et comme on a dit tantôt, mais une annonce hardware, sûrement un casque de réalité virtuelle également pour Microsoft. Autre nouvelle, M. Castegan? Oui, American McGee Studio, qui est en arrière du jeu Alice, ne croit pas au succès de la Xbox One en Chine. Parce qu'en fait, Microsoft a annoncé la rétention. Il la fabrique au Mexique. Oui, mais c'est ça. Ils enlèvent des emplois aux Chinois. C'est ça. Mais en fait, c'est à cause que Microsoft ont confirmé leur intention de lancer la Xbox One sur le marché chinois en septembre de cette année. OK. Et, peu avant le Japon, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Puis American McGee dit qu'il s'agit en fait d'une grosse erreur qui coûtera énormément à Microsoft. Il explique son raisonnement sur 5 points. Le numéro 1, il dit « La Xbox One ainsi que la PlayStation 4 est déjà présente en Chine. N'importe quel joueur chinois peut facilement se procurer une console en l'achetant en ligne pour la recevoir dès le lendemain chez lui. » Donc, un lancement national n'est pas nécessaire. C'est ça. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, le marché des box est déjà saturé en Chine. Alors que Microsoft mise largement sur le divertissement, film et autres, pour imposer sa console, les Chinois sont déjà équipés de box Android. Pouvons, selon McGee, faire mieux pour moins cher. De plus, 99% du contenu streamer le serait à partir d'un mobile ou d'un PC. Donc, dans le fond, que les box, un peu comme les Steam Box ou des choses comme ça qui vont sortir, ou la Ouya, exemple, qui est une box sur Android, ben il y a déjà un marché saturé là-dessus. Et en plus, ben, le PC est quand même très fort. Dès qu'on a un PC moyennement performant avec une prise HDMI, c'est réglé notre histoire. Puis en plus, habituellement, je dis aux gens d'aller sur le Netflix sur PC. La qualité d'image est meilleure que via les consoles normalement. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais expérimenté avec mon PS3. tu branches ton PC direct, tu as une meilleure qualité d'image, puis souvent, ça va plus vite aussi, tout dépend de la machine que tu as. Donc, tu sais, cassons-nous pas la tête, si vous avez un moyennement bon PC avec une carte, avec une prise HDMI, c'est réglé. J'espère, effectivement, de toute façon, quand tu as une console de jeu, je vois pas en quoi axer ton marketing sur les possibilités multimédia. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit, là, tu veux une console de jeu de base, puis ceux qui s'achètent une console de jeu pour le multimédia sont un peu cabochons, selon moi. Effectivement. Mais sinon, il reste trois autres points rapidement. Oui, vas-y. Ben, si vous le saviez pas, ben, le piratage en Chine, il est énorme. Non! Qu'est-ce qui cause d'importantes pertes dans la vente de contenus digitaux. Et aussi, également, le quatrième point, ils disent que les enfants et les jeunes adultes issus de familles de classe moyenne ou aisées n'ont pas de temps à consacrer à une console de jeu, ni à la télé ou à des films, parce qu'ils disent qu'en Chine, le monde commence à travailler très jeune. Le monde étudie, font des activités par-dessus la tête, ils n'ont pas le temps là-bas de s'asseoir devant la TV. Mais bon, ça, c'est toujours discuté, ça, ce genre de raccourci-là, un peu, c'est un peu stéréotypé. Non, faut mais toujours faire attention. C'est ça. Ça, c'est pas son point majeur. Mais ça reste mais que ça, c'est une tendance plus importante. Le point majoritaire qu'il soulève, c'est que Microsoft va être obligé de brider les machines pour que uniquement le contenu officiellement approuvé par le ministère de la Culture en Chine soit fonctionnel sur la console. Yes. Ouais, ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour une entreprise qui ne va pas nécessairement vendre plus de consoles, justement, vu déjà la possibilité de la commander. Donc, disons que ce sera à suivre, par exemple, voir si Microsoft va se péter à gueule à ce niveau-là. Mais ils vont peut-être faire affaire avec l'usine en Chine. Peut-être, mais ça ne changera pas grand-chose. Au moins, la console ne pognera pas en feu. C'est déjà un bon point. Ben, c'est ça. Monsieur Castegan, après cette nouvelle, nous allons repartir en pause musicale déjà. Et encore, pour écouter de l'excellente musique, et là, on va aller écouter un groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, grâce à un ami. C'est un groupe qui s'appelle Bring Me The Horizon. On s'en va écouter The House of Wolves. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Show me a reason to kill. A solitary fuck about your goddamn beliefs. I'm going blind, but one thing's clear: death is the only salvation you'll feel. We'll be right back. Maximale avec Franck Pithiou, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale après House of Wolves de Bring Me the Horizon, on vous en entend, Franck Pithiou, alias Perceval de la série Kaamelott, que j'avais eu la chance, encore une fois, d'interviewer à G-Anime. Coudon, Andrew, tu t'es dit à soir, on passe toute la gang de G-Anime. Ben ouais, mais là, t'as dit, Thierry Bourdon, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, on va s'ennuyer. Puis là, je me suis dit, ben là, si Thierry écoute l'émission en France, ben là, il va parler à Jackie Berger. Ben oui. Puis là, il va dire, ben là, Jackie, on t'a pas passé. Là, il aurait fait de la peine. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre Jackie Berger. Puis là, je me suis dit, ben là, tout d'un coup, qu'ils connaissent Franck Pithiou. Ben, c'est ça, on prend pas de chance. Fait que je les ai mis égal tout le monde, c'est ça. Ben, toi, tout ben le monde égal. T'as bien fait, Andrew. Puis en plus, on a mis Hitchcanswell pour la fête à Francis. Ben oui, hein, t'es plein de bonnes pensées pour tout le monde. Tout le monde. Monsieur Castegan, j'ai une bonne nouvelle. Ben, en fait, une nouvelle, disons, chérante, mais une bonne nouvelle quand même. Tu me dois 100$. Non. Ah, c'est pas ça. Ouais. Non, non, c'est, je te rappelle, c'est moi qui t'ai payé à souper. En fait, une super nouvelle, mais qui risque de coûter cher à bien des gens, une NES Famicom à 500$. Et oui, à défaut de présenter du nouveau hardware à l'E3, Nintendo aura bien droit à une nouvelle console non officielle créée par la société Analog Interactive. L'Analog NT permet de faire tourner des jeux NES et Famicom et dispose de quelques fonctionnalités intéressantes à condition d'y mettre le prix. Donc, entrée d'aluminium, la machine entrée. N'importe quoi. Entourée d'aluminium, la machine dispose d'un port pour les deux types de cartouches et peut également être utilisée avec les manettes de NES ou de Famicom. Donc, les deux sont... Je suis curieux de savoir comment ils veulent utiliser une manette de Famicom alors qu'elle était attachée à la console. Ah, mais sûrement qu'ils vont en fabriquer pour aller avec la console. Tu veux que je te dise? Donc, il est également possible d'y acheter un port HDMI spécial pour la console, évidemment vendu séparément. Eux autres, c'est un autre game que Nintendo, mais ils gardent leur tradition de tout acheter séparément. Donc, qui permet évidemment d'améliorer la qualité d'image sans casser la résolution de base. L'idée est intéressante, mais comme on disait, le prix devrait en refroidir plus d'un parce que 500$! Pour avoir cette machine-là entre les mains, sans compter le prix des accessoires, jeux, manettes et le fameux port HDMI adapté à la console. Ben, c'est combien qu'ils vont coûter, le port? Combien? 49$. Moi, je vais te dire qu'est-ce que je vais faire. Prix exclusif de précommande. Si tu imagines, mais que tu l'ailles comme ça au détail, ce prix est justifié en partie par le bloc d'aluminium d'une seule pièce et la reconstitution à l'identique de la puce de la NES. Mais il reste tout de même bien élevé, réservé aux collectionneurs. Ça, c'est clair, là, au prix. À ce prix-là, vous pouvez vous acheter une PS4. Fait que, il faut vraiment être crinqué. Ben, moi, je vais juste m'acheter une Famicom sans Internet. Ouais. Ben, c'est pas ça que t'avais fait? Ben, moi, c'est un super Famicom. Ah, c'est ça, voilà. Moi, parce que un Famicom régulier, ça me satisfait pas. Ça me prend un super Famicom. Mais en fait, quand j'avais vu passer rapidement cette nouvelle-là, cette semaine, j'ai fait... Je pensais que c'était NES et Super NES sur la même machine. Mais non, là, ça va être la NES et Famicom, donc la NES donc américaine et son pendant nippon. Donc, en tout cas, pour les collectionneurs, mais tu travailles pas, t'as pas un petit projet présentement, Andrew? Je te mets HDMI NES, là? Ouais, un Intoaster. Bon, ceux qui savent pas un Intoaster, c'est un Nintendo dans un toaster, on va dire ça comme ça. Ouais, exactement. Tu mets les cassettes ou tu mets le pain, normalement. C'est ça. Puis tu baisses le petit... Clapet. Puis là, il y a des LED qui allument pour faire comme si ta cassette. Comme si ta cassette a chauffé. Puis l'autre fente de pain, ben t'as les connecteurs de cachet dedans pour pouvoir brancher ta manette. Et voilà. Donc, c'est ce qu'Andrew est en train de bidouiller comme ça à température. Puis, il y a un bouton reset. Ouais. Donc, sauf que moi, ça va être le gradateur de niveau d'intensité. Ah, c'est bon, ça. Mais toi, tu vas y aller avec ton... Tu vas mettre un port HDMI, tu disais. Hein? Oui, ben dans le fond, c'est que je vais dessouder le module qui sert à envoyer l'image vidéo. Et j'ai pris un convertisseur de prise trois couleurs. Là, RCA. Et je vais le souder au module vidéo pour ensuite envoyer mon signal sur un port HDMI. J'ai bien hâte de voir le résultat de ça. Mais c'est pas prêt d'être fini, ça. Là. Non, parce que ça se fait vraiment un temps perdu. Et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup à perdre ces temps-ci. Voilà. Donc, pour les amateurs, vous pouvez toujours demander à passer plein de commandes à Andrew. Ou sinon... Non. Ou tout simplement, vous trouvez une Famicom sur les internets. Ou si vous êtes bien crinqué, paresseux et vous avez de l'argent de plus, ben, vous pouvez vous commander cette machine-là, donc la Famicom NES en aluminium, à seulement 500$. Voilà. Monsieur Castegan, autre nouvelle? Daisy. Oui. Atteint les 2 millions de ventes. Oh! Puis c'est encore à bêta, hein? Oui. C'est cool. Là, j'imagine des auditeurs là, qui ont des points d'interrogation dans le visage. DayZ est un jeu... DayZ? Oui, DayZ. Même... En fait, c'est un débat. Il n'y a personne qui a statué. Ouais. Même les développeurs du jeu sont dans cette guerre de la prononciation. Est-ce que c'est Days, D-A-Y-Z, ou DayZ, parce qu'on dit Z en anglais pour la lettre Z. Donc, D-A-I-Z. Mais je pense que le Z est en majuscule. Hein? Oui. Bon, j'aurais tendance à dire DayZ, moi aussi. Mais bref, DayZ, tout ça pour DayZ comme des zombies, parce que c'est un module. C'était un module pour quel jeu déjà? Écrime, m'en rappelle plus. Aha! Bonne question. Je m'en rappelle plus. C'était. Bref, c'était, un mode pour un. C'était un mode pour un jeu, là. Ouais, c'est ça, Andrew. Comme je viens de dire, c'est une chance que t'as amené ton grain de sel là-dessus, parce qu'on serait tous perdus. Hein? Bref, un mode de jeu, effectivement, mais qui s'en vient finalement standalone, donc un mode qui devient un jeu par lui-même, un jeu vraiment de survival, horreur, on va appeler ça comme ça. Et on en avait parlé à l'émission d'ailleurs, il y a de cela quand même quelques semaines, pas dire quelques mois. Et c'était vraiment très intéressant. Mais 2 millions pour une bêta qui est sortie publiquement depuis 5 mois. Là, c'est noter, ça. Non? Puis quand même, qui était, d'après ce que tu me disais, qui était. Quand même assez problématique à sa sortie. Oui. Plusieurs bugs et tout. Mais deux, non, c'est quand même des belles ventes, ça. Puis évidemment, on vous rappelle que quand vous faites ça, quand vous achetez en bêta comme ça, habituellement, vous avez le droit aux updates gratuitement après. Et vous encouragez comme ça les développeurs de studios indépendants, entre autres. Donc, c'est une belle façon de les aider. C'est plus safe un peu. Certains diront que Kickstarter, comme on a parlé tout à l'heure, parce que là, vous passez par Steam, puis c'est des jeux qui existent ouais, déjà. Mais c'est pas vrai, ça. Non? L'autre nouvelle que je vais te parler te prouve l'inverse. Ben, vas-y donc. Ben, en fait, je voulais juste compléter en disant que DayZ devrait sortir en version finale au courant de l'année 2015. Excellent. Vas-y donc avec cette autre nouvelle. Ben, le jeu Towns. Oui. A été annulé. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un jeu qui a été greenlighté, qui est comme le programme. Mettons, vous avez un studio indépendant, vous vous dites, je travaille sur un jeu merveilleux où on fait pousser des pissenlits qui donnent des biscuits. Le fameux pissenlit simulator. Exactement. With Cookies Edition. Ouais, c'est ça, With Cookies Edition. Et là, vous dites, ça, je suis sûr que c'est un jeu qui va rapporter beaucoup d'argent et un succès. Ben, il y a comme un système de vote sur Steam pour dire à Steam, ben, mettez-moi sur le marché et je vais livrer un produit. Ouais, mais on peut être greenlighté sans que le jeu soit complété. Exactement. Ouais. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut s'engager à offrir une version alpha ou bêta du jeu une fois qu'on est greenlighté pour que le monde puisse acheter le jeu et ainsi encourager le développeur. Et le jeu Towns a été greenlighté il y a 2 ans pour un jeu de gestion qui s'appelle Towns. Mais malheureusement, ce jeu-là ne se rendra jamais en version finale parce que les développeurs ont annoncé sur les forums du jeu qu'en raison de ventes plus faibles que prévues de la version alpha, le projet avait été abandonné. C'est plate, ça. Mais les gens avaient pu avoir le jeu, même pas? Ben, il va avoir la version alpha, là, celui qu'il avait déjà acheté, mais il ne sera plus sur le marché, puis il n'y aura plus de mise à jour. Parce que dans le fond, le jeu rapportait plus assez d'argent pour permettre aux créateurs de vivre sur le jeu. Parce que les autres, ils voulaient développer en plein temps sur le jeu, mais ils ne rapportaient pas assez pour ça. Ça, c'est assez compliqué, disons, réussir à faire ça. Travailler dans un petit studio indépendant à plein temps, puis vivre de ça. Parce qu'on rappelle que les gens doivent se nourrir, dormir, donc se loger. Donc, il faut payer tout ça. Mais ils envisagent toutefois l'idée de sortir une suite au jeu. Okay, pour profiter du buzz qui entoure les nouvelles. Faudrait que quelqu'un m'explique ce qui se passe maintenant. Mais bon. Ben, écoute, il y a un jeu qui s'est fait financer pour faire de la pâtisserie. Ouais. Ouais, un genre de bakery simulator. C'est ridicule. Mais oui, ouais, c'est sûr. Mais... Puis je te rappelle, Goat Simulator, puis Bear Simulator. Ouais, c'est beau, ouais. Tais-toi. Maintenant. J'ai hâte de voir le jeu où je vais pouvoir te battre contre des poulets maléfiques. Ça va être malade. Sinon, autre nouvelle, en tout cas, ça sera dans les dernières. La bêta de Destiny en juillet chez Sony. Donc, Destiny, on vous rappelle, c'est ce gros jeu annoncé par Activision, Blizzard Activision. Donc, mais on nous dit que la communication autour de Destiny s'emballe donc, depuis quelques jours, parce qu'on a parlé de ce fameux budget, de cet énorme budget de 500 millions. Mais après les sauvegardes Cross-Generation et l'annonce du budget, justement, on nous a appris la date d'arrivée de la bêta. Celle-ci débarquera en juillet donc de cette année et uniquement accessible aux possesseurs de PS3 et PS4. Dans un premier temps, bien évidemment, pour les détenteurs de consoles Microsoft, il faudra donc attendre encore un peu, pas de date communiquée encore pour ces consoles-là. Donc, c'est juste les gens... on parle de précommande en France, donc chez un détaillant français. Mais donc surveillez ça si ça vous intéresse. Tapez Destiny. Allez voir les vidéos, c'est quand même... ça avait l'air, en tout cas, quand j'avais vu les vidéos l'année dernière, j'étais quand même assez intéressé par le produit, l'ancienne gang de Halo et tout. Mais bon, 500 millions, j'ai hâte de voir le résultat parce que c'est juste un multiplayer de shooting. Je veux dire, en tout cas, bref, c'est mon petit côté pessimiste. Voilà. Monsieur Castegan, est-ce que tu aurais une dernière nouvelle pour cette émission de Puissance Maximale? Oui, un culte du first-person shooter dans les années 2000 au niveau du PC. Une franchise qui s'appelait No One Lives Forever. Je ne sais pas si tu connais ce jeu-là. Non. C'est un genre de jeu de tir à la première personne où on jouait une agente secrète qui s'appelait Kate Archer. Okay. Et qui devait lutter contre un organisme terroriste criminel international du nom de Crime. Oh yeah! C-R-I-M-E. Nice! Et c'était un jeu first-person shooter alliant en fait gameplay efficace et humour, qu'est-ce qui est rare à cette heure, ouais, qui parodiait à l'extrême l'univers James Bond. Ah, j'aurais aimé ça, jouer à ça. Et dans le fond, le premier jeu était sorti en 2000, décembre 2000, et le deuxième était sorti en octobre 2002 sur PC. Mais en fait, il y a un studio du nom de Night Dive qui aurait redéposé la marque. Oh. Parce que dans le fond, c'est à l'abandon de Activision. C'est une licence qui est maintenant libre de droit. Donc, Night Dive ont décidé de payer les droits pour rééditer les jeux de No One Lives Forever pour les rendre compatibles avec les systèmes d'exploitation d'aujourd'hui, pour ainsi permettre aux nouvelles générations de gamers PC de revivre ces classiques du first-person shooter. Oh, je pense que ça va être dans les titres que je vais surveiller, mais que ça ressorte justement au goût du jour. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, M. Castegan. Mais je te dirais, pour des jeux de l'an 2000, là, tu feras une recherche, c'était des très beaux jeux pour l'an 2000. On va regarder ça. Merci beaucoup de cette suggestion, M. Castegan. Et avec cette nouvelle, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je remercie bien évidemment mon collègue de toujours, Andrew, qui était là à la console et aux nouvelles. Merci beaucoup, Andrew, d'être là. Un plaisir. Et mon ami Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeux et univers geek. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez là-dessus pour entendre nos anciennes émissions, nos podcasts entrevues, suivre l'actualité de Puissance Maximale. Et si vous voulez encore plus le faire, bien, rendez-vous sur notre page Facebook. Tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver très facilement. Aimez la page parce que grâce à ça, vous allez pouvoir participer au concours. Il y en a un qui s'en vient dès ce soir d'ailleurs pour gagner des petits sacs de goodies, entre autres des signets, des trucs du genre, stickers, l'image de personnages d'animés japonais et de jeux vidéo. Donc, surveillez la page de Puissance Maximale pour ça. Et comme à mon habitude, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D! Virgins till the day